Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'épopée sanglante de Pierre Conti et de ses complices, plus connus sous l'appellation des tueurs fous de l'Ardèche. Braqueur amateur, froid, meurtrier, chef autoritaire, Conti est aussi un homme charismatique et passionné qui croit dur comme fer au grand soir et au lendemain qui chante. Il est de ceux, nombreux dans les villes, qui sur les ruines de mai 68 partent vivre à la campagne pour un retour à la terre tonitruant. On les appellera les néo-ruraux et ils seront des milliers à rejoindre les Cévennes pendant les années 70. 1977, année de notre récit, année électrique. 10 ans après l'été de l'amour et les fleurs dans les cheveux, le monde découvre la bande Labadère, les brigades rouges et les punks à Londres. Alors que pour la France de Giscard, c'est année de plomb et chèvre. Dans le Larzac, 2 démarches, l'une criminelle, l'autre pacifique. Mais là, dans cette histoire, elles vont se croiser pour le pire. Notre invité aujourd'hui, Yannick Blanc, ancien journaliste au magazine Actuel, auteur du livre « Les Esperados », paru d'abord en 1984 chez Robert Laffont, puis en 2012 aux éditions L'Échappée. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Guillaume Balandras, coordination Christophe Barrère, réalisation Coy Nguyen. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. C'était en 1977, presque 3 ans après, le procès des tueurs de l'Ardèche s'ouvre aujourd'hui devant les assises de Privas. Rappelez-vous, en quelques heures, un hold-up, 3 victimes, et une question qui restera sans doute sans réponse, pourquoi Pierre Conti a-t-il abattu sans pitié 3 hommes ? Est-ce que vous le croyez malgré tout susceptible d'avoir commis un hold-up et ces 2 meurtres ? Pour moi... Il me semble que c'est un individu qui est capable à tout faire. Ils volaient, ils allaient faire ce qu'ils appelaient des livraisons et ils raflaient tout. Tout avait pourtant commencé par de bonnes intentions. L'achat d'une ferme à l'abandon sur le plateau Ardéchois, l'élevage de chèvres et la vie en communauté. On a annexé quelques maisons parce qu'il fallait qu'on vive, ces terres étaient en friche, on les a travaillées. Et tout le travail qu'on a fait ici nous donne un droit moral sur ces terres. Moi j'y étais là-haut, je lui ai dit vous croyez de me faire peur quand vous ne me faites pas peur. Et puis allez-y, mes ennuis seront finis au moins comme ça. Mais c'est un échec, les dettes s'accumulent et pour couvrir les échéances, Conti décide de commettre un hold-up, butin, 40 000 francs. Parce que c'était bien beau le retour à la terre, mais pour quelqu'un de la ville, c'était pas évident. Mercredi 24 août 1977, 17h30, ambiance calme à Villefort, chef-lieu de canton en Lozère, une bourgade de 1600 âmes. Soleil, sieste, enfin, la léthargie des premières heures d'un après-midi cévenol. Dans une petite rue, une DS noire s'arrête devant l'agence du Crédit Agricole. Le moteur reste allumé. Pierre Conti, dit Pierrot, et Stéphane Viopecat, dit Steph, descendent de voiture. Jean-Philippe Mouillot, dit Jean-Phi, reste au volant. La suite, c'est un employé de banque qui la raconte au micro de France 3. Ça a duré un quart d'heure, facilement un quart d'heure. Hein. Ils ont fouillé, ils étaient étonnés, ils disaient il n'y a que ça, voilà. Ils étaient masqués enfin, alors ils ont mis leur masque par la suite, hein, mais ils sont entrés non masqués, ensuite ils ont mis leur masque et il y en a un qui l'a enlevé rapidement. Et alors je vous dis, ça a duré assez longtemps parce qu'ils avaient l'air de dire, de chercher. Ils voulaient trouver autre chose et finalement ils nous ont enfermés dans les WC, disons 2-3 minutes avant de partir. Ils ne vous ont pas brutalisé ? Non, non, absolument pas. Simplement ils ont dit, on a la gâchette facile. Aucun coup de feu n'est tiré. Le braquage ne fait aucune victime. Les 2 gangsters sortent alors de la banque et remontent à la DS. Sur la route, ils dépouillent leur magot, 51 270 francs. Et puis le groupe se sépare. Le conducteur, Jean-Phi, est largué dans un hameau. Steph et Pierrot, eux, doivent se débarrasser de la DS, volée le matin même, à Anduze, dans le Gard. Ils s'engagent alors dans un chemin sans issue, au propre comme au figuré. Sur cette voie étroite, il croise une estafette de la gendarmerie qui rentre tranquillement à la caserne. Tendu, Pierre Conti accélère. Quelques virages plus loin, la DS croise une Peugeot 504. Cette fois, les carrosseries se froissent. L'automobiliste, victime de l'accrochage, continue sa route et alerte les 2 gendarmes qui postent immédiatement leur estafette à l'entrée du chemin pour faire barrage. Pierrot, de son côté, a déjà fait demi-tour et manœuvre la grosse berline comme un pilote de rallye. À peine installés sur le carrefour, les gendarmes voient la DS surgir d'un virage. Elle freine brutalement devant eux. Les deux braqueurs sortent, armes à la main. Avec son pistolet mitrailleur, Pierre Conti tire 7 balles dans l'abdomen du gendarme, Danny Lussac. Grièvement blessé, mais encore conscient. Dans la foulée, Conti ordonne à Steph d'abattre le deuxième gendarme, Henri Klins, qui s'est réfugié au milieu des châtaigniers. Le complice tire, mais rate sa cible. La déesse redémarre. Le gendarme parlier regagne la route en état de choc. La suite, il la raconte dans son livre « Mon témoignage sur l'affaire Pierre Conti ». Lorsque j'ai trouvé Danny, il était appuyé, presque assis, sur le siège arrière de l'estafette. La porte latérale était toujours ouverte. Il était pâle, en sueur, il se tenait le ventre et râlait. Je l'ai assis sur le siège tout proche, mais ce geste lui a arraché des cris de douleur. Il a alors écarté les mains de son ventre pour me montrer sa blessure ensanglantée. J'ai refermé la porte latérale et j'ai repris le volant pour regagner la brigade. En cours de route, grâce à la radio, j'ai donné l'alerte. À l'arrière, Danny gémissait. J'ai mal. Au volant de la voiture en fuite, Piero Conti foudrage. Il roule tellement vite qu'il rattrape la 504 qu'il a éraflée quelques instants auparavant. Il la percute plusieurs fois par l'arrière. Finalement, elle s'encastre contre la paroi rocheuse. Le conducteur descend, choqué. Conti freine brutalement et passe la marche arrière. La déesse percute l'homme qui s'écroule à terre, légèrement blessé. Les bandits repartent, évitant soigneusement la nationale, toute proche. Mais dans la montée d'un col, la déesse tombe en panne. Les malfaiteurs sortent du véhicule alors qu'une 204 break arrive face à eux. Ils braquent le jeune conducteur et volent la voiture. Aucun coup de feu n'est tiré, l'homme est laissé au milieu de nulle part, sonné, mais en vie. À 20h45, ce mercredi 24 août 1977, la 204 break roule à tombeau ouvert, dans la nuit. Au bout d'un virage serré, deux voitures arrivent en sens inverse. La route est trop étroite, la collision est inévitable. Alors les gangsters bondissent, armes à la main. Cyprien et Roland Malos, un père et son fils, sont froidement abattus par Conti. Le braquage, confus, devient un carnage. Au micro de France Inter, Michel, jeune rescapé de la tuerie, raconte. Ça s'est passé très vite. Ils nous sont rentrés dedans, dans le virage. Alors nous sommes sortis de la voiture, eux aussi. Ils nous ont demandé si on n'avait rien. Alors on a répondu que non. Puis le père de M. Malos est arrivé derrière en voiture à ce moment-là. Et à ce moment-là, là, les gangsters ont sorti leur revolver. Ils nous ont dit de lever les mains. On a levé les mains, moi avec le fils. Et puis ils sont allés vers le père. Ils ont ouvert la porte. Ils ont tiré froidement sur lui. À ce moment-là, ils ont ouvert le feu sur nous. Et moi, ils m'ont manqué. Je me suis sauvé. Et le fils a essayé de faire un pareil aussi. Puis ils ont dû l'attraper. Les deux victimes sont traînées sur le bas-côté de la route. Derrière, les gendarmes arrivant en renfort sont bloqués par une file de voitures. Les malfaiteurs, eux, changent une nouvelle fois de véhicule et prennent place dans la 204 bleue de Cyprien Malos, l'une des deux victimes. Marche arrière enclenchée, demi-tour dans la foulée, ils s'évanouissent dans la nature. Après quelques kilomètres à toute vitesse sur la petite route, ils arrivent enfin à Rochebesse, leur QG. Il est 21h30. Les premières lignes du livre écrit en 1982, Les Esperados de Yannick Blanc, racontent la scène. Quand Pierrot arriva à Rochebesse ce soir-là, il venait de braquer une banque et d'abattre trois personnes, dont un flic. Lui-même n'était plus qu'un cadavre ambulant, de la viande pour la guillotine. En moins de 3 heures, il était devenu le tueur fou de l'Ardèche, comme diraient les journaux. Et la terreur bloquait son cerveau sur les scènes de ce cauchemar. Le hold-up, la fusillade avec les flics, la fuite épouvantable, la panne d'essence, le vol de l'autre bagnole, la fuite devant le barrage, la fuite épouvantable, la collision, le massacre des deux paysans. Fuite épouvantable. Il s'arracha de la 204 en chancelant sous d'adrénaline, le visage gluant de sueur et blanchi par l'effroi. Ce soir d'août 1977, en bas de la vallée, un millier de policiers en alerte sont prêts à bondir. Mais pour l'heure, Pierrot doit se débarrasser de cette maudite 204. Dans la nuit du 24 au 25 août 1977, Jacques, ami et beau-frère de Conti, l'accompagne, direction la Haute-Loire. Pas de barrage, il passe tranquillement. Pierrot connaît le coin, il y a déjà largué une épave après un braquage un soir d'hiver 76. Jacques, son vieux complice, qu'il aime plus qu'un frère, retourne à Rochebesse. Ils s'embrassent, ils ne se reverront plus jamais. Le jeudi 26 août 1977 à 11h, deux jours après le braquage, les gendarmes retrouvent la 204 non loin du puits, en Haute-Loire. En tout, quatre départements sont concernés par l'affaire. L'Ardèche, le Gard, la Lozère et la Haute-Loire donc, ce qui complique l'enquête, au moins au début. D'autant plus que l'organisation de la gendarmerie est archaïque. La paperasse, la bureaucratie ralentissent la recherche des fugitifs. Et puis, l'effectif est insuffisant et la situation inédite. Bref, le chaos est tel qu'aucun officier n'informe le procureur de la République. Furieux, celui-ci dessaisit la gendarmerie. La police nationale reprend donc l'enquête. Des enquêteurs de la SRPJ de Montpellier et d'Avignon convergent dans les Cévennes, associés au costaud de l'Office central de la répression du banditisme, l'OCRB de Paris. C'est dans ces conditions difficiles que la traque des trois hommes commence. Un signalement est diffusé dans la presse. Le premier, il mesure 1m75 à 1m80. Il est brun, type gitan, corpulence mince. Il a les cheveux bien bruns. Et l'autre, qui a 22-23 ans, corpulence mince, cheveux châtain clair, mi-long, hein. Toujours type gitan les deux, hein. Très vite, une paire de lunettes est retrouvée dans la 204. L'objet est précieux, car il porte une empreinte d'auriculaire droit, immédiatement prélevée. Les enquêteurs effectuent des recoupements. L'empreinte appartient à un certain Pierre Conti. Qui est-ce? Les autorités savent bien qu'il est le chef d'une bande d'illuminés à Rochebesse, petit hameau perdu, mais ils ne savent pas qu'il a déjà pris la fuite dans le maquis. Au moment du braquage et des meurtres en 1977, Conti a 30 ans et semble déjà revenu de tout. Enfant, il avait des gros joues et les dents du bonheur, il aimait le ski, le dessin. Pour la fête des mères, il avait offert à la sienne un portrait de Robespierre. Il était un gamin farceur et bienveillant, malgré les beuveries de son père et les scènes de ménage explosives. Dans les années 50, le jeune Conti passe toutes ses vacances chez sa grand-mère à Lavache, un village de Hautes-Alpes. Dans cette vallée cabossée en forme d'impasse, les mêmes familles vivent depuis des siècles. Pour Conti le Grenoblois, Névache est un lieu sacré, un paradis. C'est ici que son rêve de retour à la terre est né, et il y revient à chaque coup dur pour se ressourcer. Il admire sa grand-mère, cette vieille chèvre acariâtre qui pétarade du matin au soir, de haut en bas du village, toujours vêtue de son bleu de travail. À l'école, Pierre Conti devient le chef d'une petite bande de pitres du fond de la classe. Après les cours, ils explorent au hasard les alentours pour assommer des carpes à coups de bâton, faire flamber des lézards avec des allumettes. Pierrot veut devenir musicien de jazz ou prof de sport. Mais son père refuse de l'inscrire au lycée. Ce sera donc un CAP d'ajusteur. C'est l'adolescence, des surprises parties, les yéyés, twists frénétiques et slow langoureux, les parties de flipper au bistrot, le flirt avec Françoise et les rêves de voyage, d'aventure. Toute sa jeunesse, Conti la passe à vouloir s'évader, explorer le monde, prendre la route et revenir à la nature. Pierrot finit son CAP dans les derniers avec une appréciation sans ambiguïté, mauvais résultat, ne fait rien, échec à prévoir. Comme son père, il est colérique, comme son père, il aime la bagarre et il est allergique à toute forme d'autorité. Alors, pour se démarquer du reste du troupeau, il entame sa mutation. Il se laisse pousser les cheveux, la barbe, puis dessine le signe de paix sur son jean. Son diplôme en poche, il vadrouille entre deux missions à l'usine. C'est à cette époque qu'il rencontre Véronique et devient sa première compagne, enfin, première sérieuse. Et il y a cette chanson aussi de Jean Ferrat à la montagne. Depuis qu'il l'a entendue, il ne pense plus qu'à ça, oui, migrer à la campagne, se connecter à la vie sauvage, comme le rappelle le reporter Pierre Richard au micro de Stéphanie Duncan sur France Culture. Le père Conti travaille dans l'industrie hydraulique chez Nerpic. Il est communiste, syndicaliste, un brin soifard. C'est aussi un ancien résistant FTP. Il s'est battu dans le Vercors. Alors le gamin Pierrot est fasciné par les histoires du maquis que le paternel raconte les soirs d'euphorie. Entre usine et montagne, entre réalité prolétaire et proximité alpestre, Pierrot choisit son idéal de vie. D'ailleurs, les années 60 débarquent avec elle un air qui enchante l'adolescent du quartier Beauvais. Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sorties. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter, aujourd'hui les tueurs de l'Ardèche. Pierre Conti s'installe donc à Entraigues, en Ardèche. Sa première initiative est d'aller sonner à la porte de Jean Ferrat, qui, à son grand désespoir, voit défiler tous les jeunes de la région qui se sont reconnus dans sa chanson. Conti est venu avec sa compagne, Véronique, fille d'un lieutenant-colonel, elle aussi a grandi en ville. Elle donne naissance à une fille, Mathilde, et Pierrot se fait embaucher comme cantonnier. Bon, une famille presque ordinaire. Mais une onde de choc, démarrée sur les campus américains, atteint finalement la France. Nous sommes au mois de mai 1968, bien sûr. Incrédule, Pierrot et Véronique suivent les événements, l'oreille collée au transistor. À Paris, la grève se déploie, ouvriers, étudiants, réunis. Enfin, le pays se réveille, pense-t-il. Mais eux sont isolés dans leur campagne. Impossible de toute façon de rejoindre les barricades, il n'y a plus d'essence dans les stations-service. Au printemps 69, à la faveur d'un exode rural endémique et d'un maire volontaire, Pierrot et sa petite famille sont invités à s'installer à Rochebesse, un hameau désertique et abandonné, pays perdu, perché au-dessus de la vallée de l'Hélesse, sur le flanc des montagnes ardéchoises. C'est l'endroit idéal pour celui qui voulait cultiver et élever des bêtes en communauté. Au niveau politique, Pierrot et Véronique hésitent. Un temps trotskiste, le couple se brouille définitivement avec les communistes. Trop mou, trop conventionnel. Pierrot se lie avec la bande du Café de la Poste de Grenoble, des anarchistes fêtards qui aiment brailler dans les manifs et lancer des cocktails Molotov sur les policiers. Une partie de ce groupe se retrouve donc à Rochebesse et la communauté voit le jour fin 69. Autour de Pierrot, une petite bande se forme, des communistes, des alars, parmi eux de nombreuses filles ou fils de bonne famille, comme Steph, tiens, le complice, 24 ans, en 77, sans emploi, qui touche une rente mensuelle de ses parents. Tout comme Jean-Phi, le conducteur, fils d'un libraire érudit, 23 ans à l'époque. Certains ont abandonné des études souvent prestigieuses pour intégrer la communauté. Leur idéal, mettre en pratique leurs idées, développer une activité agricole et se réunir le soir pour causer politique. Bon, l'idée est séduisante, ils sont nombreux à tenter l'aventure dans les Cévennes. À Rochebesse, la population locale s'inquiète de la présence de ces hippies toujours plus nombreux. Arc-boutés dans des traditions rurales, les paysans acceptent mal le mode de vie affranchi de ce petit monde. Au micro de France 3, Rhône-Alpes, d'anciens voisins livrent leur témoignage. Ils m'ont volé mes biens. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a fallu partir de là-haut. Et ils m'ont ramassé mon foin. Moi, j'y étais là-haut. Je leur ai dit, vous croyez de me faire peur, continuez, vous ne me faites pas peur. Et puis, allez-y. Mes ennuis seront finis, au moins, comme ça. Si vous avez le courage de me le donner, moi, j'ai le courage de le recevoir. Mais il a mis son fusil sous son bras et s'est en allé. Les rapports de voisinage se tendent. Pierre Conti est un dur à cuire, à la fois écolo et tyrannique. Il n'hésite pas à s'approprier des biens par la violence, par l'intimidation. Fidèle en fait à la devise que la terre appartient à celui qui la travaille. Et il frappe, oui, jusqu'au sang, ceux qui se plaignent de son comportement. Pourtant, ces néo-ruraux fascinent. Quelques reportages sont consacrés à la communauté de Rochebesse, comme ce sujet du journal d'Antenne 2 du 30 mai 1977. Nous sommes seulement trois petits mois avant les faits. Rochebesse, un hameau, presque une ruine, perdu quelque part en Ardèche, à plus de 1000 mètres, non loin du gerbier de Jonc. Abandonné depuis 10 ans par ses habitants descendus dans la vallée moins hostile, le hameau se mourait lentement. Alors, ils sont arrivés. Pierrot d'abord, de Grenoble, où il était ouvrier. Puis Maïté et ses enfants, un peu plus tard Hélène et Jean-Philippe, Ben et Cathy, et enfin Bébert. Ils avaient une 20aine d'années, ils sortaient de mai 68 qui les avait en quelque sorte révélés à eux-mêmes. Bah, je crois qu'en fait, on a compris en ville, hein, on a dégusté quand même. Hein. Moi, j'y suis resté une 20aine d'années. Ici, on s'y retrouve, on est bien. On est paysans dans l'âme, je crois, je pense aussi. Hein. Avec 200 francs en poche et quelques chèvres, Pierrot s'installe dans une maison. Le propriétaire est d'accord, d'accord aussi pour que Pierrot reprenne la terre aux broussailles. Jusque-là, rien d'anormal. Mais un jour, le foin entassé dans la grange brûle et la maison avec. Alors Pierrot déménage tout simplement et s'installe dans une autre maison. De la même façon, il s'agrandit. Au fur et à mesure des besoins du groupe, il récupère et remet en valeur les terres abandonnées sans trop s'occuper de la vie des différents propriétaires ou de leurs héritiers. Enfin, leurs héritiers, ils ne veulent pas les exploiter, c'est évident. Hein. S'ils avaient voulu les exploiter, ils y seraient déjà. Ils ne les auraient pas laissés, tout simplement. Hein. Ce qui fait qu'on a annexé quelques maisons. C'est vrai qu'on a annexé quelques terres parce qu'il fallait qu'on vive. Ces terres étaient en friche, on les a travaillées. C'est tout simple, en fait. Hein. Tout le travail qu'on a fait ici nous donne un droit moral sur ces terres. Voix calme et posée, c'est bien Conti qu'on entend parler. Plutôt bien, d'ailleurs. Et on l'écoute. Oui. Mais derrière la description d'une vie idyllique connectée aux saisons, se cache en vérité à Rochebesse une ambiance délétère, empoisonnée. Dans le hameau, des graffitis sans équivoque peuplent les murs des vieilles bâtisses, interdits aux flics et aux bourgeois, ou alors révolution. Pourtant, malgré les plaintes des paysans pour violence ou intimidation, personne ne l'inquiète. Pour certains même, Conti est protégé par les autorités. Alors, les habitants ont peur de lui et de sa bande. Des conflits apparaissent également au sein même de la communauté et un clivage se dessine. D'un côté, ceux qui militent pour une meilleure intégration à la paysannerie locale. De l'autre, le groupe de Conti, partisan d'une action violente contre le système. Dont acte. Dès 1972, Conti se procure des armes et s'entraîne à les manier. À l'écart des habitations, dans une sinca bleue déglinguée, on dispose un matelas plié en deux sur le siège conducteur, sur lequel on dessine une silhouette humaine, la cible idéale pour se faire la main. Toujours plus violent, Conti est redouté, même par Véronique, oui, sa compagne, qui les mois passants est de plus en plus malheureuse. Elle semble avoir perdu toute force vitale. Malgré la naissance de Pablo, leur deuxième enfant, le couple se sépare. Pierrot s'installe aussitôt avec Maïté. La maison de Pierrot et de Maïté à Rochebesse est rustique, négligée. Une vieille ferme en pierre, frappée par les violentes bourrasques du plateau. La charpente s'effrite et le toit est une passoire. La bergerie mitoyenne, les enfants et le va-et-vient des copains rendent tout ménage impossible. C'est un sinistre capharnaüm. En hiver, on met du bois dans la cheminée, mais l'intérieur reste glacé. L'été revenu, on rase les cheveux des enfants à cause des poux. Et puis en haut de l'escalier, on trouve une petite pièce où tout le monde s'entasse la nuit sur des matelas, même le sol enroulé dans des duvets et des couvertures. Ouais, le dortoir, c'est plus chaud, c'est plus sympa, dit Pierrot. Un retour à la terre, parfois fantasmé, un fonctionnement sans planning ni obligation, la vie est rude à Rochebesse. Comme explique Gérard Moget, ancien habitant du hameau devenu sociologue, il s'exprime au micro de France Culture. C'était un endroit, je me souviens, il faisait pas beau, alors, il pleuvait, il faisait humide, tout ça, c'était terrible. Je m'en souviens parce que les conditions d'habitat, bon, c'était pas particulièrement joyeux, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, c'était une espèce de village complètement paumé, les toits étaient par terre, oui, il restait des murs et puis des plastiques bourrés de flotte au-dessus qui tenaient lieu de toit. Quoi, bon, voilà, c'était. Mais bon, il s'affairait plus ou moins, bon, à essayer de faire revivre finalement hein, ces vieux villages abandonnés. Hein, par l'exode rural, ce qui était évidemment pas très simple, parce qu'on peut imaginer si des vrais paysans avaient dû partir parce qu'ils n'arrivaient plus à vivre, des gens qui connaissaient rien, ni à l'élevage, ni à l'agriculture, qui débarquaient dans ces trucs-là pour essayer d'en vivre, bon, c'était plus facile à dire qu'à faire, quoi. Hein. Conti et sa bande sont de piètres paysans. Personne ne sait vraiment planter des carottes ou défricher un terrain. L'argent des parents a été flambé dans divers achats matériels et les récoltes restent bien maigres. Loin de l'autosubsistance, l'idéal. Les petites rapines débutent d'abord modestes, puis de plus en plus risquées. En 75, un convoyeur de fonds est agressé, on lui dérobe quelques milliers de francs. Pendant l'hiver 76, un premier hold-up est organisé dans une agence du trésor public, puis c'est le cambriolage d'une armurerie. Hélène Théris, institutrice et proche de Pierre Conti, raconte les méthodes et les motivations du groupe en 2005. Il avait des problèmes d'argent, et moi je pense que c'est ça qui a tout déclenché. Parce que, bon après, vous savez, quand l'affaire a éclaté, eh bien beaucoup de choses ont été dites, c'est-à-dire qu'ils volaient. Ils allaient faire ce qu'ils appelaient des livraisons, c'est-à-dire qu'ils arrivaient au moment où, dans les grandes épiceries, on livrait des cartons de victuailles et ils raflaient tout. Et ensuite, bon, alors c'était de petits larcins comparés au vol des 60 000 francs du Crédit Agricole de Villefort. Mais enfin, c'était des larcins quand même. Et voilà, une banale histoire d'argent. Et puis toujours cette conviction de Conti qu'il suffit juste de se servir, quoi qu'il arrive. On l'a vu avec les terres. Une logique qui le mènera, lui et ses compagnons, jusqu'à l'irréparable. Le 28 août 1977, les gros bras de l'Office central de la répression du banditisme fondent sur le hameau dans une vieille Simca achetée pour l'occasion, voiture bélier improvisée pour écarter du chemin les grosses pierres que le groupe a disposées en travers. Dans le hameau, les policiers retrouvent un rouleau de pièces et un billet provenant du butin, mais aussi la carte d'identité de Stéphane Viaud-Pécat qu'il a oublié dans sa fuite. L'enquête va révéler que des liens quasi familiaux unissent les néo-ruraux. En cas de pépin, ils savent resserrer les rangs et s'entraider. Maïté, compagne de Conti au moment des faits, se comporte d'ailleurs comme une véritable femme de mafieux pendant les interrogatoires. Elle prétend n'être qu'une connaissance du fuyard et embrouille volontiers les enquêteurs sur son emploi du temps. Ce n'est que face à des preuves irréfutables qu'elle consent tout de même à lâcher quelques éléments. Mais Conti et ses deux complices courent toujours. 26 jours après les faits, le 20 septembre 1977, le jeune gendarme touché à l'abdomen d'Annie Huchac meurt des suites de ses blessures. Un mois plus tard, le 21 octobre 1977, Stéphane Viaud-Pécat, le complice principal, est retrouvé en Hollande dans le cadre d'un coup de filet mené contre la bande Abadère. Les Néerlandais consentent à l'extrader, mais à condition qu'il ne soit pas exécuté. Le jeune activiste demande alors à l'avocat Robert Badinter, ennemi intime de la peine capitale, d'assurer sa défense. Jean-Philippe Mouillot, le conducteur lors du braquage, qui n'a pas participé au meurtre, se rend lui à la police en 1978. Les deux complices de Conti sont mis en détention provisoire. Et le 20 mai 1980, presque trois ans après les faits, le procès des tueurs fous de l'Ardèche s'ouvre à Privas, mais sans Pierre Conti. Un grand absent au procès des tueurs de l'Ardèche qui s'ouvre aujourd'hui à Privas, Pierre Conti. Les jurés de la cour d'assises de Privas vont donc juger aujourd'hui ses deux complices. Viaud-Pécat, 28 ans, étudiant en sociologie à Nanterre, fils de bonne famille, avait rompu avec le capitalisme paternel pour rejoindre la communauté de Rochebesse. Robert Badinter, l'avocat du jeune homme, sait que la partie sera dure à Privas. 18 ans de réclusion, c'est la réponse mesurée des jurés à un réquisitoire qu'ils ont jugé trop sévère. Un réquisitoire où l'avocat général réclamait la perpétuité sans tenir compte du rôle exact joué par Viaud-Pécat aux côtés de Conti le 24 août 77 sur les routes de l'Ardèche. Les jurés ont donc admis que le tueur, c'était Conti et non pas Viaud-Pécat dans les trois meurtres commis par le chef de la communauté de Rochebesse. Conti, c'est les morts, Viaud-Pécat, c'est les vivants. Comme le rappelle ce reportage de France Inter, l'ombre de Conti plane sur le tribunal, car il est tenu pour responsable principal des trois vies supprimées. Il est condamné à mort. Pour Stéphane Viaud-Pécat, 18 ans de réclusion, tandis que Jean-Philippe Mouillot écope lui de 5 ans. Bien. Maintenant, comment Pierre Conti a-t-il pu échapper à la justice? Il se raconte qu'il a quitté Rochebesse le soir même des crimes hébergés par des connaissances, avant de filer vers une région voisine, ou peut-être à l'étranger. Quelques semaines après les faits, à l'automne 1977, un acteur improbable fait son entrée dans l'affaire. Paul Baril, oui, l'officier du GIGN célèbre pour ses interventions brutales dans plusieurs affaires retentissantes. Jean Durand, journaliste au Dauphiné Libéré à l'époque des faits, raconte en 2005 au micro de France Culture. Il y a un truc qui est passionnant dans tout ça, c'est que le grand copain de Conti était Baril, le fameux capitaine Baril. Ils étaient copains d'enfance quand ils étaient à Névache dans les Hautes-Alpes. Alors comment se fait-il que Baril soit devenu un défenseur de l'ordre et qu'au contraire, Conti se soit rebellé contre la société? Ça tient uniquement à l'environnement. Et puis alors, 3 semaines après le 24 août 77, on a fait monter là-haut le capitaine Baril. Baril d'un côté et Conti de l'autre allaient rejouer comme autrefois aux gendarmes et aux voleurs. Et on a raconté, Conti, Baril est monté à Névage d'ailleurs, il a voulu monter seul, il n'a voulu personne avec lui. Alors on prétend que dans une grange, il aurait retrouvé des restes d'un campement, si vous voulez, mais il n'y avait plus personne. Et on avait demandé à Baril, qu'auriez-vous fait si vous aviez trouvé Conti? Et Baril a répondu, je n'aurais pas tiré le premier. Et quand Baril est persuadé que Conti a fui, Névache, c'est pas loin de la frontière italienne, qu'il serait passé en Italie, et puis de là, bon, qu'il serait parti peut-être en Afrique du Nord, ou je n'en sais rien. Alors, mort et enterré, Pierre Conti, abattu par d'anciens camarades, ou par les services de renseignement? Les propos du ministre de l'Intérieur de l'époque, Christian Bonnet, semblent l'indiquer. Celui qui fut recherché pendant des années, meurtrier de sang-froid, a pourtant nourri beaucoup de fantasmes concernant sa cavale. Le 22 mai 2000, la peine est prescrite, mais Pierrot ne fait pas surface. Alors, s'il était vivant, eh bien il aurait aujourd'hui 71 ans, il serait vraisemblablement méconnaissable. Partout, on l'a vu, patron d'un restaurant en Italie pour l'un, paisible retraité en Colombie pour d'autres. Alors, qu'est-il devenu? Et surtout, était-il bien le maître de Rochebesse? Certains en doutent. Il n'aurait été qu'un beau parleur, charismatique et violent, certes, mais sous l'influence souterraine de quelques intellectuels du groupe, comme Jean-Philippe, le conducteur. Lui et Stéphane, les deux compagnons de route, ont effectué leur peine et sont retournés à une vie tranquille. Plus jamais ils n'ont voulu s'exprimer sur l'affaire. Ont-ils livré tous leurs secrets? L'équipe sauvage de Conti et de ses copains, c'est aussi le symbole des rêves bradés de mai 1968 et de la gueule de bois qui a suivi. La gauche contestataire se divise définitivement entre ceux qui s'intègrent à la vie parlementaire et les inconsolables artilleurs de l'action violente. Dans le livre enquête qu'il consacre à l'affaire, les mots de Yannick Blanc résonnent encore et résument fort bien le phénomène. La dérisoire épopée d'une poignée de 68ards, cas particulier d'un désastre général. Moi le passant bien protégé par 2000 ans de servitude et quelques clous sur la chaussée dans les villes de grande solitude. De nouvel enfant nouveau-né, quand j'ai bu plus que d'habitude, me vient la fin d'un carnassier. L'envie d'éclater une banque, de me crucifier le caissier, d'emporter une couleur qui me manque, et de disparaître en fumée. Mais dans les villes de grande solitude, tous les héros se sont évolués aux cheminées du crépuscule, et leurs torrents se sont calmés. Alors je fonce comme une bête sur le premier sens interdit. Aucun feu rouge ne m'arrête. Je me sens bien dans ma folie. J'ai envie de violer des femmes, de les forcer à m'admirer. Envie de boire toutes leurs larmes et de disparaître en fumée. Mais dans les villes de grande solitude, quand l'alcool s'est évaporé, je replonge dans la multitude qui défile au pas cadencé. J'ai peur d'avoir brisé les vitres, d'avoir réveillé les voisins. Mais je suis rassuré très vite, c'est vrai que je ne casse rien. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les tueurs fous de l'Ardèche avec notre invité Yannick Blanc. Bonjour. Alors, bonjour Fabrice Drouel et bonjour aux gens qui nous écoutent. Bien, et je vous ai cité plusieurs fois dans le récit, puisqu'évidemment nous l'avons construit aussi autour de votre livre, Les Esperados. Alors je rappelle que vous êtes journaliste, que vous avez longtemps travaillé à Actuel, le magazine légendaire, lancé par Jean-François Bizot. Et donc vous avez écrit cette enquête autour de la bande de Rochebesse, au cœur de cette histoire. Pourquoi ce livre? Pourquoi ce sujet? Qu'est-ce qui vous a interpellé? Qu'est-ce qui vous a intéressé, passionné au point de se faire ce travail de longue haleine? Ok. D'abord, je dois préciser que je ne suis plus journaliste. Je ne suis plus journaliste depuis plus de 20 ans. J'ai été journaliste à un moment de ma vie. Mmh. Bon, actuel, j'ai travaillé entre l'automne 79 et 82, où je suis parti écrire ce livre. Et puis, je suis revenu un petit peu après. Mais en fait, je n'ai pas plus été journaliste que je n'ai été manœuvre, libraire, garçon de course, garçon de café. Bon, j'ai été, entre autres, vous journaliste. Vous avez été enquêteur, quoi. Vous avez été enquêteur. Je ne veux pas prendre mes distances vis-à-vis de la corporation. J'ai fait du journalisme. Mm-hmm. J'ai employé les moyens du journalisme pour faire ce livre. Mais je ne suis pas plus journaliste qu'autre chose. Enfin, ce livre, on est d'accord, ok. Ce livre est une enquête. C'est pas un roman, c'est vraiment une enquête. Non, c'est une histoire vraie, d'accord. Alors, c'est une histoire vraie. Et quand vous m'avez contacté, quand l'équipe m'a contacté, je me suis dit mais pourquoi ils veulent parler de cette affaire, pourquoi ils veulent parler de et je me suis dit bon, il y a trois hypothèses. De toute façon, il faut qu'ils fassent une émission tous les jours. Donc c'est pas le premier critère, ce sujet parmi tant d'autres. Ouais. La deuxième, après, j'ai appris que votre collaborateur, Guillaume Ballandras, avait lu le livre et qu'il s'était intéressé au sujet et que donc c'est un peu lui qui avait amené la proposition. Mais finalement, cette proposition ne serait pas passée s'il n'y avait pas de raison de parler de ça. Bon. Et la raison, c'est qu'on est en 2018 et que toute l'année, on a commémoré mai 68. Mmh. Et que donc on a fait un lien entre mai 68 et qu'est-ce qui s'est passé maintenant et qu'est-ce qui bon et donc toute l'année il y a eu des retours sur ce qui s'était passé dans ces années-là. Moi, ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est premièrement que je n'ai pas écrit le roman de Pierrot. Ouais. Ça, c'était le titre initial qu'avait proposé l'éditeur Robert Laffont. Mmh. J'étais pas d'accord du tout avec ce titre. C'est pas l'histoire de Pierre Conti que je racontais. J'ai pas raconté non plus l'histoire des tueurs fous de l'Ardèche. C'est pas des tueurs, ils sont pas fous. Bon, ils ont été ardéchois. On les appelait comme ça, c'est une invention médiatique aussi. La presse les a appelés comme sûr, ça. Bien sûr. Le Dauphiné libéré a commencé. Mais ça devient un repère pour les gens. Mais même si c'est pas forcément juste. C'est une facilité journalistique. Bon, mais alors voilà. Pourquoi vous l'avez écrit ce livre? Parce que vous me dites les raisons pourquoi. Alors j'ai. Pourquoi vous l'avez pas fait? Mais dites-moi pourquoi vous l'avez fait. Eh ben, ce livre, ça s'appelle Les Esperados. C'est un titre que j'avais emprunté, avec sa permission d'ailleurs, à GB, qui avait fait une bande dessinée en 1972, où il mettait en scène une espèce de guérilla rurale. Ouais. En précisant d'ailleurs à la fin qu'il était, que ça pouvait arriver, mais qu'il était tout à fait contre ce type de pratique. Et moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est pas tellement Conti ou les gens de Rochebesse, qui doivent d'ailleurs bondir quand ils entendent des émissions sur le sujet, parce que il y en a qui sont toujours paysans et qui sont de très bons paysans. Mmh. Donc, ils ont été jusqu'au bout et c'est des gens éminemment respectables. Mais parce que j'ai été mêlé à cette histoire, comme tous les gens qui ont eu 17 ans entre 67 et 77. Alors, mêlé comment? De quelle façon? Et entre 67 et 77, les gens qui avaient 17 ans ont eu 17 ans pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, bon, ça a commencé, vous l'avez rappelé, avec ce pré-68isme. Hein, d'efflorescence, un moment merveilleux. Bon, les yéyés, d'accord, les beatniks, les hippies, le flower power. Et ça s'appuie sur une classe d'âge, la classe du baby-boom, qui est elle-même une classe d'enfants gâtés, puisque c'est la classe des enfants des Trente Glorieuses. Oui. Bon. Et cette classe qui est nombreuse, qui ne craint pas le chômage, qui ne craint pas le lendemain, et qui a l'exemple de ce qui se passe en Californie et en Allemagne et ailleurs, va connaître un printemps merveilleux. Le printemps mai 68. Alors, mai 68, on a passé l'année à se demander ce que c'était, ce que ça représentait, etc. Bon, il y a des gens qui disent c'est la plus grande grève ouvrière, c'est la thèse des gauchistes, c'est la thèse de Christine Ross, c'est la thèse d'Alain Krivine, et ainsi de suite. Oui, d'accord, mais c'est pas ça dont on se souvient. Ce dont on se souvient, c'est que ça a été une grande fête des hormones, portée par une jeunesse, et ça a duré pendant un printemps. Simplement, c'était d'une telle incandescence et c'était une telle rupture avec le vieil ordre moral gaulliste, traditionnel. Bon, avant 68, la vie est en noir et blanc. Après 68, la vie est en couleur. C'est vrai qu'on a eu l'occasion pendant l'année d'analyser tout ça, mais oui. Le pont entre 68, on ne peut pas qu'on y arrive, le pont entre 68 et cette histoire-là. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que de 67... je dirais plutôt de 67 à 77, il y a eu c'est comme une fusée ou un feu d'artifice qui décolle et qui va crépiter pendant des années, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus coloré, toujours plus transgressif, dans une société qui, elle, passait le moment initial bon, retrouve ses habitudes, retrouve sa routine. Il y a eu des acquis, il y a eu un changement dans les mœurs, il y a eu un changement dans les têtes. Et donc, petit à petit, il y a un isolement progressif des 68 arts, hein, bon, une marginalisation. Oui. Et d'autre part, à mon avis, alors, et c'est là où je serais, comment dire, très indulgent avec cette histoire, avec les protagonistes de cette histoire, c'est qu'en fait, on vit dans une époque où les meilleures têtes plaident pour la violence. Si vous lisez le livre de Serge Julie et Alain Gessmard, publié en 1969, le livre s'appelle « Vers la guerre civile », et le leitmotiv, c'est pour dire il n'y a pas besoin d'être grand clair pour prédire qu'à l'horizon 70 ou 72, c'est la guerre civile en France. Si vous prenez... Et ça nourrit tout ça. Si vous prenez la préface de Jean-Paul Sartre à l'ouvrage « Les Mao en France » de Michel Manceau, il se félicite de soutenir les Mao, de les connaître, parce que c'est des gens qui réhabilitent la violence en politique. Et pendant toute cette époque, les meilleures têtes de l'époque, les gens de Normal Sup qui sont devenus militants Mao, les gens qui dirigent les groupuscules gauchistes qui sont des gens diplômés, cultivés, leurs professeurs, les facultés, martèlent cette idée de la violence nécessaire parce que en face, il va y avoir de la répression, parce que si, parce que ça. D'accord, et parce que de toute façon, il n'y a pas de révolution sans violence. Ça veut dire qu'il y a mai 68. Bon, ceux-là, ils n'y participent pas parce qu'ils sont bloqués à la campagne, notamment. Il y a un rêve auquel ils auraient voulu participer. Ce rêve est avorté pour eux, finalement. Il ne dure qu'un mois. Ce sont les orphelins de mai 68, c'est ça? Non, mais est-ce qu'on pourrait le qualifier comme ça? Vous dites je suis indulgent avec ces gens-là parce qu'ils ont été nourris. Enfin, je suis indulgent, j'en ai fait partie. Enfin, j'ai jamais été à Rochebesse, mais à 15 ans j'étais fugueur. À 17 ans j'étais dans un foyer de jeunes délinquants. Mm-hmm. À 19 j'étais en communauté, enfin Mao d'abord, puis en communauté, puis et ainsi de suite. Donc c'est si ça m'intéresse autant, si cette histoire m'a intéressé autant. C'est parce que sans avoir été directement à Rochebesse, sans avoir jamais rencontré les gens de Rochebesse avant que je commence à écrire ce livre, j'ai participé à cette histoire. C'est mon histoire aussi. D'accord, c'est votre histoire aussi. Ben voilà, voilà, c'est la réponse à la question, elle est là. Merci. C'est mon histoire aussi, mais que j'essaie d'élucider. C'est-à-dire que il y a deux choses, il y a le point de vue et il y a le point de vie. Quand vous vivez les choses, elles sont floues. Vous êtes dans le moment, vous êtes dans l'instant présent, vous êtes dans l'action. Et il faut beaucoup de temps pour se détacher de sa propre histoire et commencer à avoir un point de vue sur son histoire. C'est un petit peu comme une photo que vous développez. D'abord, c'est flou, ouais. Et puis vous poussez les contrastes, et puis éventuellement, petit à petit, vous arrivez à avoir une photo, en prenant du recul, vous arrivez à accuser des contrastes et avoir ce que vous croyez être une vue à peu près nette bien de sûr. Ce qui s'est passé. Je comprends. Yannick, on va se retrouver dans 3 minutes pour continuer à discuter autour de ce concept de point de vie et point de vue. Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant, ils existent, la plupart espagnols, allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les saneurs, chiste, ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés, ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore, dans le cœur devant, et leur rêve au mi-temps, puis l'âme toute rongée par des fous fusils. Il y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu qu'on ne les voit jamais. Que lorsque on a peur d'eux, les anarchistes, ils sont morts 110 fois pour que dalle et pourquoi. Avec l'amour au poing sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang versé. Ils ont frappé si fort, tu peux frapper encore. Y'en a pas un sur 100. Et pourtant, ils existent. Et s'il faut commencer par des coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue. Les et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié, et des armes rouillées pour ne pas oublier qu'il y en a pas un sur 100. Et pourtant ils existent, et qu'ils tiennent bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes. Yannick Blanc, point de vue, point de vie, disiez-vous tout à l'heure. C'est vrai que ces histoires-là ont besoin d'être décantées hein, pour qu'on puisse y voir plus clair. Tout de même, comment expliquer cette dérive meurtrière? Puisqu'on a trois meurtres, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ces gens n'arrivent pas avec l'idée, j'imagine, de commettre des meurtres. Ils arrivent avec un idéal, une idée, ils changent de vie, c'est vrai que c'est compliqué. Non. Et là, ils ont quoi? Ils ont pas de... Pourquoi cette dérive? Bah écoutez, j'y étais pas, hein. Mais l'époque... Comme je vous le disais au micro et hors micro, l'époque est saturée. Il suffirait de relire, de faire un travail sur toute la presse gauchiste de l'époque, sur les bouquins, sur ce que pensaient la plupart des gens, sur ce que je pensais aussi. L'horizon, c'est la guerre civile, il faut s'y préparer. Donc ce leitmotiv habite les esprits. Et puis... Il y a la situation, puis les hommes de la situation. Pour qu'un événement se produise, il faut à la fois la situation et les hommes de la situation. Bon, la situation, c'est une surenchère perpétuelle, au moins une surenchère verbale perpétuelle. Il logorait, d'ailleurs. Il logorait. Enfin, bon, on a du mal à comprendre ce qu'ils veulent dire. Non, mais on part de 67 et avant, un petit peu avant, bon... dans quelque chose d'extrêmement riant, espiègle, subversif quand même. Bon, mais et puis plus ça va, plus il y a des comment dire, il y a des gens qui se rangent. La situation devient difficile. 73, premier choc pétrolier, début du chômage. Il y a plein de micro événements comme ça qui finissent par changer la situation. D'une part, elle n'est plus riante. C'est plus ce temps merveilleux des années, de la fin des années 60. Bon, on a changé d'époque. D'une part, et d'autre part, il y a dans les mouvements, un processus de surenchère perpétuelle. Oui. Parce qu'il y a des gens qui veulent prendre la tête du mouvement. Bon, et donc il y a une concurrence pour savoir quel est le le plus pur, le plus juste, le plus il y a une rivalité incessante. Bon, et celui qui a la prééminence finalement, c'est celui qui colle le mieux à ce profil-là. Est-ce que Conti a ce profil-là, Pierre Conti? C'est typiquement le profil que vous décrivez, parce qu'il a un côté, il a un côté chef, peut-être même gourou, je ne sais pas. Oui, chef, ça, il n'y a pas de doute. Il l'a dit lui-même, gourou, ouais. Certainement pas. Mais Pierre Conti, c'est un miracle pour l'époque, un miracle pour un groupe gauchiste. D'abord, c'est un ouvrier. Et à l'époque, un ouvrier, on se le dispute. Il y a une statue du prolétariat dans la tête de tous les gauchistes. Donc, le simple fait d'être ouvrier, fils d'ouvrier, respect. Bon. Ouais. D'autre part, c'est un ouvrier intellectualisé. Il est intelligent, il s'exprime bien. On l'a entendu. Oui. Il comprend très très bien ce que racontent les intellos et il est capable de ressortir aux intellos leur propre discours. Mais ça passe par sa bouche à lui d'ouvrier. Donc c'est pas quelqu'un qui aurait été influencé par les autres pour le coup. Je crois pas du tout, non. Enfin, ils se sont tous On s'est tous influencés les uns les autres. Bon. Et d'autre part. Ce qui rajoute à son prestige, c'est qu'il est l'un des premiers à être venu en Ardèche. C'est-à-dire que bien avant qu'éclatent les affaires, Rochebesse avait bonne presse avant que les événements. Rochebesse avait bonne presse. Roger Paul Droit et Antoine Gallien ont été faire là-bas un reportage qui s'appelle La Chasse au Bonheur. Roger Paul Droit, qui est aujourd'hui journaliste au Monde dans la rubrique Philosophie. Yvon Levaillant, il a été pour le Monde. J'ai bien compris ça. J'ai bien compris les motivations. On a tous bien compris. On veut essayer de comprendre ce qui fait la dérive et la bascule vers la criminalité. Alors, parce qu'il y a quand même, je rappelle, il y a 3 morts. Je suis pas dans le jugement du tout. Oui, ne pensez surtout pas. J'essaie de comprendre. C'est quoi le point de bascule? Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? D'une part, c'est quelqu'un. Je pense qu'on peut dire qu'il n'a pas peur de la violence physique, et ça participe de son prestige. Gauchistes, on est des crevettes. On est physiquement, on est faible, on a des types à cheveux longs, on est maigre, on se prend 2 claques, on fait 2 tours dans les godasses. Bon. Moi, je me suis jamais battu physiquement de ma vie. Enfin, j'ai dû mettre 2 gifles, balancer 2 cocktails, 3 pierres. Bon, ça, c'est rien. Conti, c'est quelqu'un de physique, qui est costaud et qui a pas peur de la violence et qui est capable de se battre et qui l'a prouvé. Ça veut dire que on a plus 30 secondes. Je suis désolé, mais ça veut dire que dans cette mouvance-là, finalement, ça dépend beaucoup de la personnalité. Vous, par exemple, n'avez pas commis d'acte de violence. Lui, il en a commis. Vous aviez pourtant la même philosophie de vie. Donc ça c'est une histoire de personne, finalement, de personnalité, de conscience. Conscience personnelle, non? Oui, puis enfin, non, il faut aussi une familiarité avec les. Finalement, il s'entraîne avec des armes. Mmh. Et puis quand on a une arme et qu'on est dans un hold-up, j'imagine que l'arme, elle parle avant vous. Qu'est-ce qu'elle dit, l'arme? Si elle parle avant vous, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est politique? Non, c'est politique dans le sens où il y a 10 ans de vie qui l'ont amené là, et que ces 10 ans ont été saturés de gens qui avaient des discours extrêmement sanguinaires, et que ces gens qui avaient des discours extrêmement sanguinaires n'ont jamais touché d'armes. On va s'arrêter là parce qu'il est 15h58 et 30 secondes. Yannick Blanc, merci. On n'a pas pu aller jusqu'au bout, mais on a compris à travers vous ce que les motivations de la prochaine fois, effectivement. Merci, au revoir. C'est Affaires Sensibles aujourd'hui, Pierre Conti, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur France Inter, bien sûr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles et merci à Serge Viguier qui était à la technique aujourd'hui.